Audiomatique. Le retour sur la scène électro du populaire LCD Sound System avec son plus récent album American Dream n'est pas passé sous le radar des électronistes qui vous ont présenté la longue pièce How Do You Sleep pour introduire cette transmission 159 d'Audiomatic. Bienvenue à Audiomatic, animé par les électronistes et spécialisé en musique électronique de tout genre et de toute époque. N'hésitez surtout pas à consulter, notre profil facebook.com/audiomaticcfou pour en savoir davantage et pour communiquer avec nous. Voici, en musique sans plus de préambule, Sébastien Tellier. Touching my body. Audiomatique. Il s'agissait du trio féminin américain Au revoir Simone et la chanson Grateful qui apparaît sur la face B du 7 pouces pour la chanson Shadows, pièce elle-même tirée de leur album Still Night, Still Light, paru en 2009. Et tout juste avant, on avait droit au français Sébastien Tellier qui nous présentait la pièce Kilometer, remixé ici par le projet belge Aeroplane sous le nom de Italo 84 Remix. Audiomatique, Trent Reznor nous offre sa nouvelle pièce de Lovers, composée, bien entendu, sous l'égide Nine Inch Nails. Slipped out of time again.

La formation Dull Drums terminait cette séquence musicale avec la pièce titre de son premier album Lesser Evil, paru en 2013. Avant Dull Drums, nous écoutions le groupe Chiu Chiu, qui s'écrit X-I-U-X-I-U, donc Chiu Chiu, et la pièce Stupid in the Dark, qui se trouve sur l'album Angel Guts Red Classroom, sorti en 2014. Et en début de séquence, c'était Nine Inch Nails et la pièce The Lovers qui est sur le mini-album Add Violence, tout frais sorti des presses de l'étiquette de disque de Trent Reznor, soit The Null Corporation. À Audiomatic, nous en sommes maintenant à écouter le duo grec Marchaux. Nous terminions cette séquence musicale à Audiomatique avec le projet Enabled de l'Américain Jimmy Battista et sa composition Saccharine Morning, remixée par My Gloomy Machine, le projet du trifluvien Sébastien Roy. On retrouve cette version sur l'album Aura Activation de My Gloomy Machine. Sachez que cet album est disponible sur son profil mygloomymachine.bandcamp.com, moyennant une contribution qui est laissée à votre entière discrétion. Précédemment à Enabled, on entendait le groupe américain Ilya, qui s'orthographie I-L-Y-A, et la chanson qu'il nous interprétait s'intitulait Isola, de leur album Poise is the Greater Architect. Et pour débuter, le duo féminin grec Marchaux nous offrait leur reprise de la chanson Regret de New Order que l'on peut retrouver sur la compilation eBay Queen is Dead. La version officielle, elle, est interprétée par New Order et parue sur leur album Republic. Le projet argentin Lagartijando aura la charge de mettre fin à cette transmission d'Audiomatique. De son album Neo Bailongo, nous allons entendre la pièce Doloreando. Notre transmission 160 est encore en devenir, mais elle sera sans nul doute présentée mercredi prochain dès 17h sur les ondes de C'est fou. Les électronistes qui vous invitent à communiquer avec eux si jamais vous en ressentez le besoin ou la nécessité en leur faisant parvenir vos messages, questions, commentaires à l'adresse audiomaticcfou@commercial.gmail.com. Vous avez également le loisir de consulter notre profil facebook.com/audiomaticcfou et notre plateforme mixcloud.com/audiomatique pour réentendre ou découvrir nos anciennes émissions en balado-diffusion. Les électronistes vous remercient de participer en direct ou en différé à l'écoute des transmissions d'Audiomatique. Ce qui nous unit à travers cette expérience auditive, c'est la musique. La musique peut prendre différentes formes, dans l'harmonie ou la dissonance, dans les sons juxtaposés et bruitistes comme dans la mélodie. Mais peu importe la forme qu'elle prend, et même sans apparente musicalité, ne vous en déplaise, c'est de la musique. Voici Lagartijando et la pièce Doloreando. Bonne écoute et bonne semaine.